Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment redonner tout son lustre à la notion de bien commun, demande la philosophe Claudine Tiercelin. Pourquoi le règne du politicien ? La démocratie est-elle bien cet espace du forum et cet espace de la délibération ? Notre époque est désenchantée, sceptique, relativiste et en plus pervertie par les faits alternatifs. Mais l'opinion manipulée au moment du vote, ce n'est pas nouveau. Claudine Tiercelin, titulaire de la chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance, nous entraîne dans une vaste et stimulante enquête autour de la notion problématique et critiquée de vérité et de son rapport à une démocratie vue sur le mode déflationniste raplapla dans notre modernité très critique, voire désabusée. Nous voici presque au terme de la série « Connaissance, vérité et démocratie » donnée au Collège de France en 2017. La normalienne passée par Berkeley et qui a fait sa thèse sous la direction de Jacques Bouvresse sur le problème des universaux chez Peirce tisse des ponts entre l'Europe et l'Amérique et nous introduit au cœur de la philosophie analytique anglo-saxonne. Aujourd'hui, elle nous propose de poursuivre la critique des théories du choix social chez Harrow et Elster, initiée dans le cours précédent, et elle présente, et je la cite, « les lacunes d'un modèle de démocratie » en termes de simple agrégation de préférences. Il s'agit, nous dit-elle, de montrer la nécessité de substituer au modèle du marché celui du forum ou de la démocratie délibérative. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 27 mars 2017 pour le cours de Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie. Aujourd'hui, le concept de démocratie du modèle concurrentiel économique ou agrégatif au modèle délibératif. Comme nous l'avions noté, pour le concept de vérité, il s'est en quelque sorte produit pour le concept de démocratie une sorte de déflation, n'est-ce pas ? Au diable, les prétentions substantielles, morales, voire métaphysique, il faut déployer désormais une approche purement procédurale, formelle, juridique et non substantielle de la démocratie. Une image aussi foncièrement relativiste, vous vous en souvenez, c'est notamment ce que l'on constate dans l'approche kelsenienne, relativiste quant aux valeurs, puisque au fond, la démocratie repose foncièrement désormais sur l'idée d'une concurrence permanente des opinions, dont on retrouve les traces du reste dans nombre de théories contemporaines de la démocratie, et en particulier dans la manière dont elle souhaite s'affranchir du concept de vérité, précisément, et pratiquer une forme d'abstinence épistémique. Pour beaucoup, la définition de la démocratie héritée du XVIIIe siècle, comprise selon la formule classique, je cite, « une technique institutionnelle de gestation des décisions politiques », qui réalise le bien commun en chargeant le peuple lui-même de faire pencher le plateau de la balance, en élisant des individus qui se réunissent ensuite pour accomplir sa volonté, fin de citation, semble devoir être remis en cause. Il faut plutôt voir en la démocratie la simple méthode politique qu'elle est, à savoir, je cite de nouveau, c'est la définition schumpeterienne, le système institutionnel aboutissant à des décisions politiques dans lequel des individus acquièrent le pouvoir de statuer sur ces décisions à l'issue d'une lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple. Fin de citation. Ce n'est donc, vous le voyez, si on suit une définition de ce type, que de façon très exagérée, que l'on définit la démocratie comme le gouvernement du peuple par le peuple. Il faut plutôt parler du règne du politicien, un règne normé par, donc, la libre concurrence des candidats, entre les candidats qui cherchent à gagner le vote des électeurs pour accéder au poste de commandement, la démocratie étant essentiellement entendue comme ce jeu concurrentiel, cette compétition d'intérêts particuliers réglée, au fond, par la seule agrégation des préférences individuelles entre non plus des citoyens actifs, comme dans le modèle classique, des citoyens actifs mus de surcroît par un intérêt commun, la recherche du bien, mais donc des consommateurs passifs, apathiques, dont on cherche à acheter les votes et dont on se demande du reste comment il peut encore en rester pour penser qu'il peut être pour eux rationnel de voter. Quatrième idée, ce genre d'approche n'est d'ailleurs pas toujours strictement économique ou purement élitiste. Certains représentants de ce que l'on va désormais appeler le paradigme agrégatif des préférences s'emploient à respecter une forme de pluralisme soucieuse de garantir une expression égale de tous les intérêts. C'est par exemple le cas de Robert Dahl, qui, s'employant à penser la manière dont les idéaux démocratiques égalitaires peuvent trouver leur pleine actualisation dans les sociétés complexes industrialisées, essaie de tirer parti de la pluralité de groupes concurrents en prenant le recours pour régler les désaccords à la négociation et au compromis. L'élection, elle, est là pour trancher lorsque l'on n'est pas parvenu à surmonter les antagonismes. Mais c'est sans doute la théorie du choix social, dont la structure la plus complète a été formulée par Kenneth Arrow, qui porte à son paroxysme le modèle agrégatif des préférences, dont le présupposé majeur est donc que chaque individu agit selon celle-ci, des préférences dont il est le meilleur juge, le régime démocratique étant alors le régime le plus efficace pour satisfaire ses préférences. Et c'est aussi la critique de ce paradigme qui va en quelque sorte sonner le glas de ce type d'approche de la démocratie. C'est là que nous en étions restés, en partant du texte désormais classique de Jon Elster de 1986, « Le marché et le forum », publié dans le recueil de textes dirigé par Charles Gérard et Alice Le Goff, publié en 2010 chez Herman, « La démocratie délibérative ». Donc, texte classique, donc page 120-136 dans le volume, dans lequel Elster met bien le doigt sur les difficultés que soulève un tel modèle. Les 9 principes sur lesquels Jon Elster pense que reposent les théories du choix social, donc page 123 et suivantes, et qui sont, en les résumant donc, premièrement, nous partons d'un ensemble donné d'agents, en sorte que la question normative des frontières de la communauté politique ne se pose pas. Deuxièmement, nous supposons que les agents ont en face d'eux un ensemble donné de choix, en sorte que, par exemple, la question de la manipulation de l'ordre du jour ne se pose pas. Troisièmement, nous supposons que les agents sont dotés de préférences qui sont elles aussi données et qui ne sont pas sujettes à varier dans le cours du processus politique. En outre, ces préférences sont censées être causalement indépendantes de l'ensemble des choix que les agents ont en face d'eux. Quatrièmement, les préférences sont censées être purement ordinales, en sorte qu'il n'est pas possible pour un individu d'exprimer l'intensité de ses préférences, ni pour un observateur extérieur de comparer les intensités des préférences d'un individu à l'autre. Cinquièmement, les préférences individuelles sont censées être définies pour toute paire d'individus, c'est-à-dire être complètes, et elles sont en outre censées être transitives, en sorte que si vous préférez A à B et B à C, cela implique nécessairement que vous préférez A à C. Ce contexte étant donné, la tâche de la théorie du choix social est d'aboutir à un classement des préférences sociales pour les différents choix possibles. Sixièmement, à l'instar du classement des préférences individuelles, ce classement des choix possibles doit être complet et transitif. Septièmement, il doit être Pareto optimal, ce qui veut dire que jamais il n'arrivera qu'un choix soit socialement préféré à un autre, alors même que chacun préfère individuellement cet autre choix. Huitièmement, le choix social entre deux options données ne doit dépendre que de la manière dont les individus classent ces deux options, l'une par rapport à l'autre, et par conséquent, il ne doit pas être sensible aux changements qui pourraient affecter leur préférence pour d'autres options. Neuvièmement, enfin, le classement des préférences sociales doit respecter les préférences individuelles et en être le reflet. Et cette condition doit, dit Elster, l'emporter sur la condition de Pareto-optimalité. Cette idée recouvre toute une série de notions, dont les plus importantes sont les notions d'anonymité, tous les individus doivent être comptés également, de non-dictature, a fortiori aucun individu ne doit dicter le choix social, de libéralisme, tous les individus doivent disposer d'un domaine privé à l'intérieur duquel leurs propres préférences sont décisives, enfin d'immunité aux stratégies, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être payant, en quelque sorte, de mentir sur ses préférences. Donc, dans le volume, c'est page 124. Par ailleurs, la substance de la théorie du choix social nous est donnée dans une série de théorèmes d'impossibilité ou de solutions exclusives de tout autre. Ces théorèmes affirment soit qu'un sous-ensemble donné de ces conditions n'est pas susceptible d'être simultanément satisfait, soit qu'ils décrivent de manière originale une méthode spécifique d'agrégation des préférences. Pour préciser un peu ici les choses, c'est, comme je le disais, Kenneth Arrow, s'inscrivant notamment dans la lignée de Condorcet, qui a défini le théorème d'impossibilité qui porte son nom, selon lequel les règles d'établissement d'un choix collectif ne peuvent répondre à un ensemble de conditions pourtant jugées raisonnables. Le choix des méthodes d'agrégation permettant de produire une volonté collective à partir de volontés individuelles était, comme vous vous en souvenez, l'un des grands problèmes de la Révolution française. Et l'interprétation usuelle de ce théorème consiste à dire que l'on a par là la preuve qu'il est impossible d'extraire rationnellement un choix social à partir de préférences individuelles. En effet, la règle majoritaire et plus largement les mécanismes de décision reposant sur le classement individuel d'options possibles amènent à des contradictions, sauf à opter, mais justement c'est ce qui a été exclu par le neuvième principe, pour une solution dictatoriale, c'est-à-dire dans le cas où l'ordre de préférence d'un seul vaudrait alors pour tous. Toutefois, comme l'observe Jon Elster, on a peut-être accordé aussi trop d'importance au théorème d'impossibilité. Pourquoi ? Eh bien parce que ces théorèmes dérivent pour une large part de la rareté des informations disponibles portant sur les préférences, c'est-à-dire du fait que l'attention se concentre exclusivement sur le classement ordinal des préférences. Il est vrai que dans l'état actuel des choses, nous ne savons guère aller au-delà de l'ordinalité, les échanges abusifs de bons procédés, la corruption électorale nous permettent de saisir certains aspects cardinaux des préférences, mais cela ne va pas sans certains coûts. C'est ce qu'avait d'ailleurs montré celui que l'on tient pour le fondateur du choix rationnel de l'école de Rochester, William Riker, qui avait cherché, dans le prolongement d'Arrow, à montrer, notamment dans son livre « Liberalism against Populism », comment la théorie du choix social constitue une critique implacable de la doctrine classique de la démocratie. C'est, disait-il, adopter une vision populiste que de s'imaginer qu'il existerait une quelconque volonté du peuple dont on verrait la manifestation dans un choix collectif. D'abord, parce qu'il est impossible d'appréhender quelque volonté populaire que ce soit, indépendamment de la manière dont on la mesure. Ensuite, parce que les majorités sont notoirement instables. Autant dire que si l'on peut donner un sens, mais alors minimal, de la démocratie, c'est seulement dans la mesure où, grâce aux élections, les électeurs peuvent, à intervalles réguliers, comme on dit aujourd'hui, faire dégager les gouvernants. Quelles sont alors les objections majeures qu'Elster adresse aux théories du choix social, dont on a vu qu'elles reposaient sur ces 9 principes essentiels? Principalement, dit Elster, les 2 suivantes, qui sont toutes deux liées, précise-t-il, au postulat selon lequel les préférences seraient données. Page 125 du texte. Première objection, c'est que les préférences que les gens choisissent d'exprimer peuvent très bien ne pas être de bons indicateurs de ce qu'ils préfèrent réellement. En second lieu, ce que les gens préfèrent réellement pourrait très bien de toute manière n'être qu'une base fragile pour opérer un choix social. En effet, dans les faits, les préférences ne sont jamais données, au moins au sens où elles seraient directement observables. Si on veut qu'elles fonctionnent comme matériau d'un processus de choix social, il faut que d'une manière ou d'une autre, elles soient exprimées par des individus. Or, l'expression des préférences, dit Elster, est une action dont on peut supposer qu'elle est guidée par ces mêmes préférences. Du moins peut-on le supposer, ajoute-t-il, car cela n'est pas évident puisque l'agent peut toujours avoir plusieurs classements de ses propres préférences et il peut faire fond sur les préférences de plus haut rang pour déterminer quelle est celle de ses préférences de premier ordre qu'il veut exprimer. C'est par exemple ce que suggère Amartya Sen dans « Liberty, Unanimity and Rights ». Dès lors, il est loin d'être évident que, du point de vue de l'individu, l'action rationnelle consiste à exprimer ses préférences telles qu'elles sont effectivement. Certaines méthodes d'agrégation des préférences sont en effet telles que, pour l'individu, il peut être payant d'exprimer de fausses préférences. Attention au sondage. En d'autres termes, dans certains cas, le résultat sera plus conforme à ses préférences réelles s'il choisit de ne pas exprimer sincèrement ces dernières. La condition qui exige que les mécanismes du choix social soient immunisés contre les effets de stratégie a précisément été conçue, naturellement, pour exclure ce genre de possibilités. Mais il s'avère néanmoins que les systèmes dans lesquels la sincérité est payante sont des systèmes dont les autres aspects sont peu séduisants. En effet, les seuls mécanismes de choix social à l'épreuve des stratégies se révèlent être d'une part, comme je l'ai dit en commentant Arrow, le mécanisme dictatorial, donc le dictateur n'a aucune incitation à représenter faussement ses préférences, et d'autre part, eh bien, le procédé aléatoire consistant à faire en sorte que la probabilité qu'une option choisie soit égale à la proportion des électeurs qui font de cette option leur premier choix. Nous devons donc affronter la possibilité que même si nous exigeons que les préférences sociales soient pareto optimales eu égard aux préférences exprimées, elles ne possèdent cependant pas cette caractéristique de pareto optimalité eu égard aux préférences réelles. La protection du choix social contre les effets de stratégie et la rationalité collective partagent donc, conclut Elster, le même destin. C'est ensemble qu'elles survivent ou succombent. Or, dans la mesure où il apparaît que la première doit succomber, la seconde succombe aussi. Il devient dès lors très difficile de défendre l'idée selon laquelle le résultat du mécanisme du choix social représente le bien commun, dans la mesure où il est parfaitement possible que ce résultat soit tel que chaque membre individuel de la société prise à part en préférerait un autre. Page 127. Amos Tversky, d'ailleurs, dans un texte classique, Choice, Preference and Welfare, Some Psychological Observations, a mis en lumière une autre raison pour laquelle il est impossible de postuler que les choix, c'est-à-dire les préférences exprimées, représentent dans tous les cas les préférences réelles. D'après son hypothèse des préférences cachées, les choix dissimulent souvent les préférences réelles sous-jacentes. Tout d'abord, il y a les cas de regrets anticipés à des décisions risquées. La deuxième classe de cas, dans lesquels on voit qu'il faut distinguer les préférences exprimées des préférences réelles, concerne les décisions qui ne comportent pas de risque cette fois, mais qui sont désagréables. Par exemple, la société peut préférer sauver la vie d'une personne plutôt que celle d'une autre et être cependant incapable de faire un tel choix. En fait, on préférera parfois sacrifier les deux vies en n'agissant pas plutôt que d'en sauver une seule en recourant à une action délibérée. De tels exemples sont étroitement liés aux problèmes qui surgissent dans l'utilitarisme de l'acte quand on le compare à l'utilitarisme du résultat. On peut très bien juger que ce serait une bonne chose si la situation A se réalisait et en même temps ne pas vouloir être la personne par l'action de laquelle la situation A se réalise. Les raisons pour lesquelles on ne veut pas être cette personne peuvent être des raisons respectables. On se trouve dans ce cas si l'on a par exemple peur d'être blâmé par les parents de la personne à laquelle on a délibérément donné la possibilité de mourir, ou même plus simplement, comme dit Elster, si l'on confond le sens causal et le sens moral de la responsabilité. Dans les cas de ce genre, les préférences exprimées peuvent conduire à un choix qui, en un sens très clair, va à l'encontre des préférences réelles des personnes concernées. Venons-en alors à la seconde difficulté, sans doute, comme dit Elster, la plus fondamentale. Les préférences réelles peuvent elles-mêmes avoir un rapport de dépendance causale par rapport à l'ensemble constitué de tout ce qui est faisable. Un exemple tout à fait probant est fourni par la fable sur laquelle Jon Elster a beaucoup écrit, comme vous le savez, du renard et des raisins trop verts. Je vous renvoie ici à son livre classique, Sour Grapes, de 1983, chapitre 3, qui a été traduit, mais seulement partiellement en français, sous le titre « Le laboureur et ses enfants ». Bien, pour un utilitariste ordinal, c'est ainsi que Harrow se qualifie lui-même, il n'y aurait en toute rigueur aucune perte de bien-être si le renard était physiquement empêché de consommer les raisins, puisque de toute manière, il les trouve trop verts. Mais naturellement, la raison pour laquelle le renard juge que les raisins sont trop verts, c'est qu'il est convaincu que de toute manière, il n'y est pas possible de les atteindre. Dès lors, il est difficile de justifier la répartition en invoquant les préférences. Le phénomène inverse des préférences, contre-adaptative, l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la clôture et le fruit défendu est toujours plus délicieux que celui que l'on peut avoir, est lui aussi un motif de perplexité pour le théoricien du choix social, dans la mesure où il implique que de telles préférences ne seraient pas satisfaites même si elles étaient prises en compte, alors même qu'il n'y a de sens à les prendre en compte que si elles ont une chance d'être satisfaites. Il me semble que de ces analyses, nous pouvons tirer plusieurs conclusions. Collège de France et France Culture vous présente la philosophe Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie. Aujourd'hui, le concept de démocratie, du modèle concurrentiel économique ou agrégatif au modèle délibératif. D'abord, on a sans doute raison de se montrer circonspect face à l'optimisme initialement engendré par le théorème du jury de Condorcet. Et par voie de conséquence, de ne pas s'imaginer trop vite que la légitimité de la démocratie réside tout entière dans le vote. Et pour reprendre la formule que donnait l'autre jour dans son intervention au séminaire Jon Elster, que la recherche de la vérité en politique puisse reposer sur, je reprends ces termes, la fiabilité de ce guide que constituerait la procédure majoritaire. Assurément, Condorcet lui-même, comme vous le savez, était convaincu de l'efficience épistémique du vote. Efficience fut-elle modeste, n'est-ce pas, du vote majoritaire, en laquelle il voyait le triomphe de l'option, jugée la meilleure par le plus grand nombre de raisons individuelles, ainsi qu'il le rappelle dans ses écrits sur la prise de décision collective. Pour lui, comme pour Rousseau ou pour Sieyès, il est entendu que les hommes ne peuvent vivre sous des règles communes que s'ils consentent à céder aux vœux du plus grand nombre. Je cite « La convention d'adopter ce vœu comme s'il était conforme à la volonté, aux lumières de chacun, a dû être la première des lois sociales, a pu seule donner à toutes les autres le sceau de l'unanimité. » Fin de citation. Solution à laquelle, pour sa part, il ne voit aucun arbitraire et à laquelle même il donne une justification épistémique, peut-on penser, plus solide que celle que propose Rousseau, puisqu'à la différence de ce dernier, Condorcet voit dans le vote moins l'expression d'une volonté que, le plus souvent, d'une opinion. Le vote majoritaire n'est donc pas seulement ni même principalement l'expression de la volonté, mais celle des opinions émanant des raisons de chacun. L'exercice du pouvoir par les citoyens consiste, je cite, à déclarer quelles règles communes pour les actions qui doivent y être assujetties, paraissent, à la pluralité, les plus conformes à la raison. Et on voit que s'il en résulte, pour la minorité, la nécessité et l'obligation morale de s'y soumettre, il n'en résulte, pour la majorité, ni autorité, ni pouvoir. Fin de citation. Donc, les citoyens exercent l'autorité, qui appartient bien au peuple et non à la seule majorité, en identifiant par le vote l'option qui apparaît à la majorité être appelée par la raison. Vision renforcée encore par l'un des résultats de la mathématique sociale de Condorcet, connu sous le nom de théorème du jury, qui constitue, comme vous le savez, une application particulière de la loi des grands nombres. Que nous dit en effet le théorème du jury de Condorcet ? Que la probabilité d'un choix binaire dans un groupe de citoyens également informés augmente considérablement quand augmente la taille du groupe. Dans un électorat de N individus qui votent indépendamment, si la probabilité d'un choix correct par un individu est de P, la probabilité grand P d'un choix correct de la majorité, où N est impair, peut être bien plus élevée que P. Autrement dit, dans une situation où un groupe a à choisir entre deux options et où chacun des membres du groupe vote donc indépendamment des autres, si chacun a plus de chances de faire le bon choix que de faire le mauvais choix, donc une probabilité supérieure à 1/2, alors c'est également le cas de la majorité des votants et la probabilité que la majorité opte pour le bon choix augmente rapidement avec la taille du groupe, jusqu'à converger vers 1 lorsque le nombre de votants tend vers l'infini. Le théorème de Condorcet affirme que si l'on ajoute successivement donc de nouveaux membres au groupe, le vote majoritaire a de bonnes chances de converger vers l'opinion correcte ou vraie. Cela veut dire, comme le disait l'autre jour Elster, que pour accéder à la vérité, on peut compter sur la sagesse des foules, comme semblait du reste le penser déjà Aristote dans ce texte qu'il rappelait lui-même et que se plaise toujours à citer, les théoriciens de la démocratie favorables à l'idée de sagesse collective. Vous vous souvenez du texte donc d'Aristote, en Politique 1281, peut admettre en effet que la majorité, dont chaque membre pris à part n'est pas un homme remarquable, est cependant au-dessus des hommes supérieurs, sinon individuellement, du moins en masse. Comme un repas à frais communs est plus splendide que le repas dont une personne seule fait la dépense. Dans cette multitude, chaque individu a sa part de vertu, de sagesse, et tous en se rassemblant forment, on peut dire, un seul homme ayant des mains, des pieds, des sens innombrables, un moral et une intelligence pratique phronesis en proportion. Ainsi, la foule porte des jugements exquis sur les œuvres de musique, de poésie. Celui-ci juge un point, celui-là un autre, et l'assemblée entière juge l'ensemble de l'ouvrage. Fin de citation. Malheureusement, cet optimisme qu'avait déjà tempéré Jeremy Bentham se heurte à nombre de difficultés, d'abord en raison des contraintes auxquelles doit satisfaire le théorème. Tous les choix, y compris quant à la vérité, ne sont pas binaires. On peut toujours décider de suspendre son jugement. Il ne vaut que si les jugements individuels sont probabilistiquement indépendants, donc les erreurs ne s'annuleront pas du seul fait de la taille de l'électorat. Enfin, si les votants ont des biais systématiques, comme le racisme ou le sexisme, il ne serait pas surprenant que leurs décisions politiques soient pires au fond qu'un simple lancer de pièces sur les mêmes sujets. De plus, le théorème du jury reste également muet sur les types d'informations ou de connaissances que les votants sont supposés avoir, comme il reste muet sur leur pertinence dans les décisions en question. Le problème que pose l'application de ce théorème au cas des décisions collectives réelles n'est donc pas entièrement résolu et chacune des conditions que je viens rapidement d'évoquer soulève des difficultés spécifiques dont, bien entendu, il n'est pas dans mon projet d'entrer aujourd'hui. Disons simplement que la nature exacte des exigences qu'implique pour un vote réel la condition formelle d'indépendance, au moins relative, fait en particulier l'objet d'interprétations contradictoires. Quant à la condition de compétence, même si elle a une certaine plausibilité, elle n'est pas non plus, dans bien des cas, comme je l'ai dit, supérieure à celle d'un tirage aléatoire. Bref, vous voyez que même si on peut, au fond, trouver un grand nombre de mérites, sur lesquels d'ailleurs reviennent de plus en plus aujourd'hui un certain nombre de théoriciens de la démocratie, il est vrai que la rationalité, en tout cas dont on peut penser qu'elle, ou dont les théoriciens classiques pensaient qu'elle pouvait à elle seule donner son sens au vote à la majorité, ne peut pas se résorber entièrement dans le vote lui-même. Et naturellement, les résultats négatifs de Arrow n'ont rien fait pour arranger les choses, puisqu'ils ont montré, comme nous venons de le voir, qu'on ne peut décidément pas agréger les préférences individuelles dans un choix collectif sans violer des principes intuitifs comme l'unanimité ou l'absence de dictature. Pour s'en convaincre du reste, il suffit de rappeler le fameux paradoxe doctrinal qu'évoquait aussi Elster l'autre jour au séminaire et dont on peut, en effet, qui est simplement la reformulation contemporaine du paradoxe du mathématicien français Poisson, énoncé en 1837, et dont on peut rapidement voir exactement comment, en effet, il conduit à un certain nombre de résultats, pour le moins ennuyeux, pour le théorème de Condorcet. Deux individus, que j'appellerai Pierre et Paul, sont accusés d'un vol. À la question si Pierre est coupable de ce vol, quatre jurés répondent « oui », trois autres « oui », les cinq autres « non ». L'accusé est déclaré coupable à la majorité de 7 voix contre 5. À la question si Paul est coupable du même vol, les quatre premiers jurés répondent « oui ». Les trois autres qui avaient dit « oui » contre Pierre disent « non » contre Paul. Les cinq derniers répondent « oui ». Pierre est donc déclaré coupable à la majorité de 9 voix contre 3. On pose ensuite la question de savoir si le vol a été commis par plusieurs, qui entraîne dans le cas de l'affirmative une plus forte pénalité. En conséquence de leur vote précédent, les quatre premiers jurés répondent oui, et les huit autres, qui ont jugé ou Pierre ou Paul innocents, répondent non. La décision du jury, sans qu'il y ait aucune contradiction dans les votes, n'est-ce pas, des jurés, et donc que les deux accusés sont coupables de vol et en même temps que ce vol n'a pas été commis par plusieurs. Ce dont ce genre de paradoxe témoigne évidemment, ici encore, et c'est la deuxième conclusion que je souhaiterais tirer, c'est, comme le dit Elster, de l'existence d'une indétermination profonde dans l'agrégation des opinions et ou des préférences individuelles par le vote majoritaire, et donc la faiblesse du modèle agrégatif des préférences en tant que tel. Mais il montre aussi au passage autre chose, à savoir la faiblesse intrinsèque du procéduralisme, qui s'appuie ici, n'est-ce pas, uniquement, vous le voyez, sur des critères de cohérence dans les jugements. Comme nous l'avons vu en analysant le concept de vérité, cohérence et sa fragilité, il n'y a pas qu'une seule manière d'être cohérent. Et l'on voit bien ici que l'un des grands défauts du procéduralisme, du choix social, est qu'il tient les préférences des agents pour donner et ne se demande à aucun instant s'ils sont sages ou éthiquement bons. Or, de toute évidence, les préférences elles-mêmes peuvent être manipulées, tronquées, perverties, et plus encore, en réduisant le vote à une simple procédure, le procéduralisme sous-estime, comme Bentham en faisait précisément le reproche à Condorcet, certains effets comme celui de la dilution de la responsabilité, cette vertu épistémique si importante, des électeurs, en fonction du nombre, par exemple, des votants. Elster rappelait l'autre jour, n'est-ce pas, que Bentham, justement, avait beaucoup mis l'accent sur le fait qu'il jugeait excessif la dimension proposée par les États généraux, 1200 députés, car selon lui, le nombre même des députés réduisait l'incitation de chacun d'entre eux à participer et à bien s'informer. Plus le nombre des votants est grand, faisait remarquer Bentham, moindre est le poids et la valeur de chaque vote, moindre en est le prix aux yeux du votant. Bref, la diminution, ajoutait-il, avec le nombre des membres s'accroît la chance de sagesse, autant de membres, autant de sources de lumière. Mais, ajoutait-il, la diminution que cette même cause amène dans la force des motifs nécessaires pour faire sortir ces lumières compense cet avantage. Troisième conclusion, en s'appuyant sur ce genre d'analyse, Elster croit possible d'énoncer les raisons d'être de l'objection qu'il adresse à la conception politique qui sous-tend la théorie du choix social. Cette objection est que, je le cite, au fond, la théorie du choix social renferme une confusion entre le type de comportement approprié sur le marché et celui qui est approprié sur le forum. La notion de souveraineté du consommateur n'est acceptable que dans le cas d'un consommateur qui choisit entre plusieurs actions possibles qui ne diffèrent que par la manière dont elles l'affectent lui, personnellement. Or, dans les situations de choix politique, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qu'on demande aux citoyens, n'est-ce pas, c'est d'exprimer des préférences qui diffèrent aussi par la manière dont elles affectent les autres. Cela signifie que nous ne disposons pas de ce genre de justification si nous parlons de la souveraineté du citoyen, car les autres peuvent légitimement faire des objections à un choix social qui serait gouverné par des préférences présentant l'un ou l'autre des défauts que nous avons mentionnés. Certes, un mécanisme de choix social serait capable de pallier les défauts auxquels le marché est exposé du fait de la souveraineté sans limite du consommateur, mais, dit Elster, en tant que manière de redistribuer le bien-être, si vous voulez, il s'agit là, naturellement, d'un mécanisme désespérément inadéquat. Si, dit-il, les gens ne s'affectaient les uns les autres que lorsqu'ils se font des croche-pieds ou lorsqu'ils jettent leurs ordures dans le jardin du voisin, le mécanisme du choix social pourrait résoudre ce genre de problème. La tâche de la politique ne consiste cependant pas seulement à éliminer les facteurs d'inefficacité, mais à créer la justice, but pour lequel un mécanisme d'agrégation des préférences pré-politiques représente un moyen singulièrement mal adapté. Page 135. Si Elster a raison, alors, cela nous indique que, de fait, les principes du forum doivent différer des principes du marché. Et nous retrouvons là, évidemment, la très ancienne tradition qui remonte à la polis grecque et qui nous suggère que la politique se doit être, je cite Elster, page 164, « une activité ouverte et publique » et non pas l'expression solitaire et privée des préférences que nous éprouvons dans le cours de nos activités de vente et d'achat. Fin de citation. La politique, en d'autres termes, ce n'est pas du marketing, lequel n'exige en effet que d'être formaté par une boîte de production, d'être pragmatique, au sens cette fois vulgaire du terme. Un mécanisme relevant du choix social peut être adapté quand il s'agit d'éliminer toute forme d'inefficacité, mais il ne l'est plus si ce dont il s'agit, c'est de rechercher en quoi va consister une décision juste. Le paradigme des préférences agrégées, nous venons de le voir, ne tient aucun compte de l'évolution possible de celle-ci, en particulier. Évolution pourtant inévitable, dès lors que nous tenons compte simplement d'un fait objectif, qui est que les individus entretiennent les uns avec les autres toute une série d'interactions, et qu'il est particulièrement impossible aussi d'envisager un univers éthique, pourrait-on dire, où tous les individus n'auraient d'autre visée que leur simple préférence subjective. Et où, par exemple, ne leur importerait pas du tout, justement, dans cette représentation des choses, si vous voulez, où ils n'auraient absolument aucun intérêt pour le bien, pour le juste, ou même encore pour le vrai. Évidemment, cela suppose que nous admettions quelque chose dans l'univers éthique tel que nous le décrivons, comme, c'est un point, comme vous le savez, sur lequel Elster a aussi beaucoup écrit, quelque chose comme une forme de désintéressement. Bon, c'est en tout cas à l'encontre d'une telle conception foncièrement économique de la démocratie, reposant sur un tel modèle de marchandage ou d'agrégation des préférences, que va se développer, notamment à partir des années 1980, tout un courant important, dont Jon Elster est évidemment l'un des acteurs, mais avec lui nombre d'auteurs comme Habermas, Rawls, ou encore James Cohen ou David Eslund, qui vont défendre l'idée force que la démocratie est bien l'espace du forum, et donc essentiellement celui de la délibération. Cette délibération, pouvant prendre différentes formes, être plutôt procédurale ou plutôt substantielle, et s'inscrire plus ou moins nettement aussi dans une approche épistémique, ou encore, comme s'emploieront aussi à le montrer certains, en suivant l'héritage soit de John Dewey, soit de Charles Peirce, dans le cadre d'une approche pragmatiste. C'est donc à ces différentes modalités possibles, vous voyez, d'une approche dans laquelle ce n'est plus le marché qui est envisagé comme la caractéristique majeure de l'espace politique et de l'espace démocratique, que je voudrais évidemment à présent me concentrer. Quelles que soient leurs différences, voire leurs oppositions, les partisans d'une approche délibérative de la légitimité démocratique, qui apparaissent donc au milieu des années 1980, dans toutes sortes de pays, et qui ont provoqué et continuent de provoquer une littérature philosophique foisonnante, vont donc accorder une importance décisive à l'idée selon laquelle une décision est légitime dans la mesure où elle résulte d'un échange public libre et raisonné d'arguments entre citoyens égaux. Et que c'est en donnant à ce processus, vous voyez, que constitue la prise de décision collective la forme d'une délibération publique portant sur le bien commun, qu'il est possible d'assurer et l'efficacité et la légitimité de l'exercice démocratique du pouvoir. Les délibérativistes tiennent donc deux principes, vous voyez, pour acquis. Premièrement, contre les conceptions qui se revendiquent de l'agrégation des préférences ou d'un modèle de marché et de concurrence, il faut déjà redonner tout son lustre à la notion de bien commun. Deuxièmement, la légitimité politique trouve son fondement dans le principe admis par tous que l'idéal démocratique repose sur la possibilité d'une délibération publique libre entre des citoyens égaux, ce qui suppose donc, voyez, de donner de nouveau tout son poids au principe du citoyen non plus apathique ou passif, mais actif. Ces deux principes étant admis, et en tenant compte aussi de la nécessité en quelque sorte pratique désormais admise par tous, qu'il faut œuvrer à combler l'écart entre l'idéal démocratique et son actualisation effective, la question qui se pose est évidemment la suivante: comment faire pour que cet idéal politique de gouvernement, par la délibération raisonnable ou rationnelle, entre des citoyens égaux, puisse avoir quelque chance de se réaliser dans des démocraties représentatives de masse? Comment faire au mieux, en d'autres termes, pour assurer non seulement la rationalité du processus de la délibération, mais aussi l'inclusion de tous les citoyens? Bon, et ce, non seulement au sein des institutions, mais éventuellement aussi, c'est un point sur lequel notamment insiste beaucoup ceux qui sont partisans à la suite de John Dewey, d'une conception de la démocratie plutôt comme manière de vivre, si vous voulez, dans d'autres types d'espaces démocratiques que les institutions à proprement parler. Outre que plusieurs approches peuvent, à partir de ces principes, se décliner au sein même de la tradition de la démocratie délibérative, ce n'est pas le passage, il faut que vous soyez bien attentifs à ce point, ce n'est pas le simple passage du modèle agrégatif à ces formes de démocratie délibérative qui règle à soi seul le dilemme qui se pose à celui qui veut réfléchir au bien fondé qu'il y a à tenir compte de la vérité et de certaines valeurs, éventuellement, en démocratie, et qui, au fond, à certains égards, comme je l'ai déjà évoqué, sont sensibles, au fond, à ce qu'on pourrait considérer comme la reprise pour la démocratie du dilemme que posait Socrate dans le Typhon de Platon, lorsqu'il se demandait si quelqu'un est pieux parce qu'il plaît aux dieux, ou bien si c'est parce que quelqu'un est pieux, pardon, qu'il plaît aux dieux. En d'autres termes, les décisions prises à la majorité ou les croyances de la majorité sont-elles correctes, voire vraies, parce que ce sont celles de la majorité, ou bien sont-elles choisies ou possédées par la majorité parce qu'elles sont correctes ou vraies? Vous voyez que si l'on adopte la première branche du dilemme, cela revient à considérer qu'il n'existe pas de normes ou de valeurs transcendantes à partir desquelles nous devrions juger du caractère démocratique d'une décision ou d'un dispositif. Nous privilégions alors une forme de procéduralisme purement formel, antiréaliste, et dont le principe général est le suivant: seuls les dispositifs politiques démocratiques sont légitimes et la valeur qui s'attache à leur caractère démocratique ne dépend pas d'autres propriétés que le fait qu'ils reposent sur certaines procédures, principalement, nous l'avons vu, des procédures de vote. Appliquées à la question de la vérité, le procéduralisme soutient que seuls les dispositifs démocratiques sont susceptibles de maximiser la vérité et l'expression libre de l'opinion. En revanche, si c'est la deuxième branche du dilemme que nous choisissons, dont nous avons vu lors du premier cours qu'elle est celle que suit en particulier un Julien Binda dans la grande épreuve des démocraties, et qui est aussi particulièrement présente dans notre grande tradition républicaine, alors cela veut bel et bien dire que des valeurs comme la justice, la vérité, la raison, ne peuvent à nos yeux se réduire à de simples procédures, aussi raisonnables ou rationnelles puissent-elles être par ailleurs, mais restent, comme c'était le cas dans la tradition classique de la démocratie, des valeurs non pas relatives, mais absolues, et qui transcendent ces procédures. Autrement dit, faisons bien attention, on peut parfaitement avoir une approche délibérative de la démocratie aussi procéduraliste que celle qui caractérisait le modèle, par exemple, du choix social, n'est-ce pas ? Pour ce faire, il suffit de soutenir qu'il n'y a pas de vérité politique et estimer que le critère et la valeur de la démocratie ne résident que dans la rationalité des processus qui y conduisent. Simplement, à la différence de la théorie du choix social, on estimera que les préférences doivent pouvoir faire l'objet d'une délibération dont le produit, comme c'est le cas chez John Rawls, est une forme de consensus par recoupement, ou comme c'est le cas chez Habermas, celui d'un processus idéal de discussion. Cours du Collège de France, vous venez d'écouter le 27 mars 2017 Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie. Aujourd'hui, le concept de démocratie, du modèle concurrentiel, économique ou agrégatif au modèle délibératif. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Claudine Tiercelin. Elle a notamment publié « Le ciment des choses, petit traité de métaphysique scientifique réaliste » aux éditions Ithac en 2011. Son ouvrage « Le doute en question » publié pour la première fois en 2005 a reparu en 2016, augmenté d'une postface. Je rappelle aussi sa leçon inaugurale publiée chez Fayard en 2011 sous le titre « La connaissance métaphysique ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons la grande enquête de Claudine Tiercelin sur démocratie et vérité. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.